Cette semaine, on parle d'un photographe controversé, de Cuba, d'une GoPro sur un léopard et on teste le projecteur Epson HC1440. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 92. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut! Et Christian Jarry. Rebonjour, messieurs. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. En effet. Ouais. J'avais hâte d'enregistrer. Mm-hmm. Moisi tout. Oui. Qu'avez-vous fait côté photo depuis le dernier épisode de Christian, tiens, qui est au sommet de la liste? Oui, oui, oui. Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une légère promesse. Oui. Ah oui. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Moi, je dis non. As-tu tenu ta promesse? Moi, ben, je vais dire oui. À moitié. OK. Ah. Non, mais je suis capable de le dire. Juste pour dire qu'on n'a pas raison. Non, ouais, exactement. Non, j'ai fait une petite séance. Ben, c'est il n'y a pas longtemps, ma fille, elle sort dehors, il faisait beau, tout ça, puis à l'école... Rappelle-nous ta promesse pour ceux qui... Ah oui, c'était de faire une petite séance photo. Bref, ma fille, elle sort dehors, puis avec l'école, elle a commencé à jouer de la guitare. Puis là, je trouve que c'est joli de l'avoir joué de la guitare. Je sors ma caméra, puis je suis comme, c'est pas beau, c'est que t'es installé. Fait que j'apprends, puis là, je m'en vais l'installer. Là, les garçons font comme « Ah, nous autres aussi, on va en prendre. » Fait que je me suis improvisé une petite session photo, mais j'ai quand même planifié pareil mes affaires. Je l'ai changé d'endroit, j'ai trouvé un background un peu plus intéressant, il a fallu que je bouge, tu sais. Fait que... Et finalement, sa fille n'a jamais pu jouer de guitare ce soir. Mais non! Non, en effet, ah, parce papa, que ben, tu ris, mais t'as tout à fait raison, parce qu'elle a joué un tout petit peu, puis là, ben le deuxième voulait la guitare aussi pour prendre des photos, puis le petit dernier, tout ça, mais quand même, ben oui. J'ai réussi à faire quand même quelques photos que j'ai bien aimées, que je trouve le résultat assez intéressant. Fait que, mm-hmm. Improvisé, mais en même temps, à moitié planifié. Fait que, non, ben c'est le fun, la spontanéité. Ben, c'est en plein ça. Quand ça se passe, c'est là. Parfait, on y va. Go. Exact. Ouais. Excellent. Bon, toi, François, de ton côté? Moi, de mon côté, j'ai couvert l'événement de la Saint-Jean à Québec, de la fête nationale. Mm-hmm. Puis, ça fait quelques années que je le fais. Puis, cette année, je me suis dit, tiens, je vais aller me spotter directement au point le plus haut sur la scène avant que ça commence. Ouais, évidemment, ouais. Entre les répétitions puis le show, je vais aller au point le plus haut pour voir la foule, tu sais. Mm. Et ça, c'est le coin du drummer. Le gars qui joue de la batterie. Okay. Fait que je me suis perché là, puis j'ai pris une photo de la foule qui commençait à s'installer. Fait que je me suis dit, tiens, lève-là ma photo de rockstar. Oui. C'est le même qu'on se sent quand on est sur scène, vraiment. Je te jure. Oh, wow. Quand tu te retrouves avec... Cool. Là, c'est le début, mais bon, il y en a qui ont estimé qu'il y a eu 150 000 personnes, je pense, en affaires comme ça, sur les plaines à Québec. Fait que voilà, j'ai eu mon petit moment comme « Yeah! » Ben, c'est François, cool. La rockstar. Ouais. Ah, mais c'est très cool. Ouais, vous irez voir ça dans les notes d'épisode. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, rien de spécial. Ben, on avait parlé il y a quelques épisodes d'un photoreportage du Time Magazine sur Cuba. Eh bien, je suis parti sur les traces du Time Magazine. Non, sur les traces des Cubains, en fait. Je suis allé faire de la photo à Cuba, comme ça, pendant 5 jours. C'est le fun de pouvoir s'improviser ça de même en dernière minute. Ouais, c'est semi-improvisé. Oui, je me doute. Je n'étais pas sérieux. Ça faisait au moins 2-3 mois que je... Que tu improvisais ça. Que j'improvisais ouais, ça. Ça, oui, c'est ça. Puis c'est ça, ben je suis allé chez l'habitant, si on veut, mais bon, c'est un Québécois qui a une maison avec des chambres là-bas. Un semi-habitant. Semi-habitant, oui. Qui peut seulement rester là 6 mois, il doit revenir une semaine à chaque fois parce que son visa expire, mais il a embauché des guides cubains, tout ouais, ça, ouais. Donc c'est très local comme façon de fonctionner. Il y a une cuisinière qui nous prépare des petits déjeuners, des trucs comme ça, et puis lui, il nous amène visiter des endroits intéressants. Il nous a amenés à la plage, il nous a amenés visiter une forteresse. Il y a vraiment plein de trucs qu'on a pu faire. Plus à La Havane. Oui, on est resté toujours à La Havane et la plage, c'était à Guanabo. C'est à peu près à 40 minutes, je crois, de taxi de La Havane. Puis moi, je voulais aller là pour voir les vieilles voitures parce qu'il reste plein de vieilles voitures des années 50. Surtout, tu peux en voir pas mal? Et c'est juste de ça, presque. Ah il commence à y avoir des plus nouvelles, des voitures chinoises, mais on voit des vieilles Lada, on voit des... Ça, tu te tasses quand t'en vois une, tu prends pas de risque. Oui, c'est ça. Puis il y avait Écoute, j'oublie des noms tellement il y en avait, là, mais tu sais, des vieux Buick, des vieux Ford, des vieux Chevrolet. J'ai vu un Ford Model T qui roulait. Okay. Oh, ouais. J'ai pas pu le prendre en photo parce qu'il est passé comme ça à l'improviste, puis j'avais pas mon appareil dans mes mains. Là. Mais j'ai vu un Model T. C'est le seul que j'ai vu, mais apparemment qu'il y en a encore quelques-uns. Sinon, wow. la plus vieille voiture dans laquelle je suis embarqué, c'était un 1947. Quand même. Mm-hmm. Et ouais. On avait peur que la portière ne ferme pas. Il fallait vraiment la fermer fort. Sinon, les autres voitures, il faut les fermer doucement parce qu'ils font très attention à leur truc, tout, parce que ces voitures-là ont 60 ans. Facilement. Oh oui, mais je suis sûr qu'il y en a quand même qui sont encore assez propres. Oui, il y en a des banquettes, là, un Chevrolet Bel Air, je ne sais pas, 57 à peu près, là, dans ce coin-là. Ouais, ouais. Les banquettes de cuir, je ne sais pas s'il a réussi à en trouver des neuves, là, mais ils étaient impeccables. Là. C'était vraiment confortable, tout ça. Tu sentais les ressorts en dessous. Là. Wow. C'était vraiment... ouais. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos de rue. J'ai fait un petit peu de photos d'architecture, tout ça. Ah oui, on a visité le musée des Beaux-Arts. Et le plafond de la réserve, là, c'est un gros vitrail avec des bateaux et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le gros trou dans le plafond qui fait que si jamais il s'agrandit, le plafond pourrait menacer de s'effondrer sur la réserve d'œuvres d'art qui est juste en dessous. Boy, c'est incroyable. Il manque d'argent à Cuba. C'est terrible. La pauvreté est omniprésente. Tu te promènes dans une rue, puis ils ont creusé un trou pour réparer un tuyau. Et ils ne pouvaient pas le refermer. Il n'y avait pas d'argent. Ou les types sont partis. Je ne sais pas. Okay. On en a vu plein partout comme ça. Puis il n'y a pas des comptes pour dire « Faites attention, il y a des travaux. Ouais, » Non, ouais. Tu vis avec, puis c'est comme ça. Là. L'embargo qui est élevé, ça n'a pas juste nécessairement des mauvais... Non, ça va faire du bien, ça, peut-être. Ça risque de faire du bien, mais au moins. Ça va faire mal au tourisme, parce que... Ben, ça va changer le tourisme. Ça va faire mal aux touristes, ouais. Parce que ça va coûter plus cher. Les ben, prix ouais, vont clair. Augmenter, c'est clair. Mais oui, c'est ça, on peut, quand on trouve des bons endroits, on peut souper, on peut avoir un bon repas pour 2$, ce qui vaut quoi, 1,50€, même pas, ouais. 1,25€, un truc comme ça. Ouais. C'est vraiment pas cher. Puis bon, il y a des trucs, des trappes à touristes où tu peux payer jusqu'à 20$ américains là, ton repas, là, c'est... Ouais. C'est pas nécessairement mieux que celui que tu as payé 2$. Non, non, exactement. Le décor est plus beau, par exemple. Ouais, ben ça, oh, ouais, le décor ça... est beau. Mais bon, c'est ça. J'ai vraiment adoré mon voyage. On a volé avec Air China. Ah bon? Ouais. Ben, les avions sont impeccables, le service impeccable aussi. Petite musique zen quand tu entres dans l'avion, quand tu débarques aussi. Ah bon? J'ai été agréablement surpris parce que j'ai déjà volé avec Cubanair à l'époque. Ouais, j'ai pas entendu des super bons commentaires. Tu sais, quand il y a du papier peint dans l'avion, là, de la tapisserie, là. Ah. Ça ressemblait un peu à ça, des vieux avions des années 60 ou avant même. Probablement, non, qui étaient plus vieux et qu'ils avaient été... relooké. Oui, c'est ça. Ah, ben, ouais. Mais non, si vous avez la chance d'aller à Cuba bientôt, parce que les Américains vont avoir des vols directs à partir de novembre cette année, et là, il va commencer à y avoir pas mal d'Américains sur place. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'Européens, des Anglais, des Italiens. J'ai entendu des Québécois. Deux Français. Oui, des Québécois, quelques-uns peut-être aussi. Peut-être moins à ce temps-ci d'année, par contre. Oui, parce là. Qu'il fait chaud. Ouais. Au mois d'août, c'est le pire mois, le mois le plus chaud. Ouais. Si vous pouvez éviter, éviter. Mais sinon, là, c'était la période des pluies, la saison des pluies. Il y a plus une journée pendant 30-40 minutes pendant qu'on visitait une forteresse. On s'est mis à l'abri, puis c'était parfait. Mais sinon, pas vraiment de pluie. Une petite goutte ici et là, puis c'est chaud, c'est humide, par exemple. Mais belle, belle expérience. Oui, ben sur ça, vous irez voir, j'ai un album Flickr, je vais évidemment mettre le lien dans les notes, mais pour ceux qui me suivent sur Flickr, l'album est déjà là depuis quelques jours. Et là, on passe au bloc nouvelles. Christian, il y a une controverse au sujet d'un photographe, de ses photos. Oui, ben en tout cas, moi, j'avoue, personnellement, je ne connaissais pas Steve McCurry. Semble-t-il que c'est un photographe du National Geographic, là, un très grand photographe, très reconnu. Controverse. C'est relatif. Je vais être franc, j'ai comme de la misère à... Je sais pas trop comment... Tu t'as vu l'article toi-même? Oui. Il aurait édité certaines de ses photos avec Photoshop. Bon, encore une fois, tu sais, dans ma tête, je suis comme... Y a-t-il encore beaucoup de photographes qui le font pas? C'est toujours comme on en parlait dans le passé. C'est quel degré d'édition qui est problème. Puis j'avoue qu'il y en a certaines que c'est assez majeur. Là. Il y a des affaires, des fois, là, il a carrément changé. Je me rappelle une photo, là, c'est la forme de l'édifice parce qu'elle n'était pas à son goût qu'il l'a replacé et recadré comme il faut. Là, t'es comme, ouais, là, ça change pas mal. Là. Mais en même temps, je sais pas. Je comprends la controverse. Je comprends que c'est supposé être des photos, entre guillemets, pures, mais je sais pas. Remettre un édifice, je sais pas comment on dit ça, en plan ou en tout cas selon les lignes. Replacer un édifice versus effacer quelqu'un dans une photo. Oui. Je pense qu'effacer quelqu'un est pire que redresser pire, les lignes d'un édifice. Oui, puis la raison pourquoi il s'est fait prendre, c'est justement c'est qu'il y a une personne, il a effacé, mais il a tellement mal. Je comprends même pas, là, sérieusement, il a vraiment botché son travail, là, il n'y a aucun autre mot. Il reste une partie du pied dans la photo de la personne. Là, t'es comme, OK, là, t'as voulu trop te dépêcher, t'as manqué ton coup. Là. Mais je sais pas. Là, c'est pas correct. Je dis pas le contraire. Je sais pas. Ça fait partie de l'espèce de zone grise là, en photographie. Là. Ouais. Mais ça dépend. Est-ce que c'est justement du photojournalisme ou si c'est de la photo de reportage ou autre chose? Quand c'est du photojournalisme, généralement, il ne devrait pas modifier la réalité, mais bon, jusqu'à quel point est-ce qu'on se doit de respecter ça? Mais tu sais, sur le lien qu'on va vous donner, là, on voit beaucoup des photos qui sont comment qui ont été changées. Puis en majeure partie, c'est simplement les couleurs ont été changées. Oui. Il y a rajouté de la couleur ou un peu. Tu sais, celle comme je suis en train de montrer en ce moment, François, celle-là, c'est un édifice qui a été redressé ou en fait plutôt, c'est l'inverse. Il l'a pas redressé, il l'a fait tomber pour que ça soit plus dramatique, j'imagine. Mm-hmm. Oui, oui. Pour que ça colle avec l'édifice d'à côté qui est déjà un peu croche. C'est ça. Mais je sais pas. Je suis comme partagé dans tout ça. Là. C'est pas évident. Là. C'est une controverse. C'est pas correct ce qu'il a fait, mais je sais pas. Ben, c'est ça. Ça dépend, justement. Il travaillait pour le National Geographic. Si son employeur détermine des trucs qui ne sont pas acceptables ou qui ne sont pas éthiques... Là, c'est définitivement que c'est un problème. C'est ça. Si ça devient un problème éthique par rapport à son travail... Là, il y a matière à être scandalisé ou peu importe, mais si c'est quelqu'un qui fait du photojournalisme, mais qui n'a pas rempli une commande pour quelqu'un... Moi, il me semble que c'est pire, ça. Exact. Ou pire, on en a vu dans le passé, tu sais, un photographe qui vole carrément la photo d'un autre, ou des choses comme ça. Ça, me semble, c'est beaucoup plus répréhensible. Je sais pas. Il me semble qu'il y a pire que ça. Oui. C'est peut-être parce qu'en même temps, on est rendu à un point où ce que tout est édité, tout est modifié, tout est changé, que je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a aussi le fait que la façon qu'on départage des bons photographes, c'est aussi parce qu'ils sont capables, supposément, de prendre le moment. Oui. Donc, avec une photo qui n'est pas retouchée, qui est... Tu sais, c'est ça un photographe depuis En même temps, même avec le film, il y a des façons que tu peux faire ressortir des couleurs, des affaires, absolument. Des choses. Tu peux c'est pas ta quelque photo, chose qui est nouveau en même temps. Là. Sauf que là, ça se détecte peut-être mieux. C'est ce que j'allais dire, parce que avant les maîtres photographes, personne ne les voyait travailler dans le labo. Là. Non, non. T'sais, aujourd'hui, le photographe envoie ses trucs à un graphiste, puis là, c'est lui qui va peut-être... Ou c'est carrément le photographe qui le fait ou aussi. Ou peut-être des fois, le photographe le fait, mais là, si son fichier original... Tu vois, moi, je trouverais ça pire ce que tu as dit là. Si tu prends une photo, puis c'est un graphiste qui la remodifie, je trouve ça pire que si c'est le photographe lui-même, parce que l'intention n'est pas nécessairement la même. Non, non, mais ce que je veux dire par un graphiste qui la retouche, c'est qu'il va juste la faire cadrer pour la une du magazine même là, ou quelque chose comme ça. Là. Même là, parce que ton intention, ça, elle peut être changée. On s'entend, là, tu sais, c'est pas si c'est juste enlever un petit côté, mais... je parle pas de modifier l'image, je parle de recadrer ou rogner. Même là, mais c'est ce que je te dis, ben parce que si c'est minimal, c'est pas pire, mais si, mettons, tu prends une photo... paysage, puis la personne décide de le changer pour le changer pour une photo portrait, ben là, ta photo change complètement. Ben, c'est ça, je te dis, ça dépend toujours du degré auquel tu t'en vas. Là, c'est, oui, tu... mais tu vois, cette semaine, j'ai publié une photo sur Facebook, ma photo de couverture, puis j'ai fait exactement ce dont on avait parlé il n'y a pas longtemps. J'avais une photo à la plage que je considérais ratée parce que le ciel était trop clair et les couleurs n'étaient pas super belles. Non, elle sort bien, honnêtement, c'est vrai. Je l'ai mise en noir et blanc. Je l'ai transformé juste en noir et blanc. J'ai rogné un petit peu un coin parce que je trouvais qu'il y avait trop de... Mais la photo, je l'aime même pas. C'est ma photo, c'est ma deuxième photo qui a le plus de likes sur Instagram. Mm-hmm. Là, c'est comme, ouais. Voyons, ouais. Est-ce que c'est parce qu'elle est en noir et blanc ou... Non, elle a un petit quelque chose. Je sais pas, moi, je la trouvais quand même pas si mal. Il y a une okay. atmosphère intéressante. Ben, peut-être parce que moi, je connais, j'étais sur place, je connais la photo originale, je vois que je suis déçu du résultat. Mais probablement parce que... Quelqu'un m'a dit, les gens l'aiment parce que c'est rare des photos de plage en noir et blanc aujourd'hui. Ce qui n'est pas faux, ça honnêtement. Sort, ça sort de l'ordinaire. Ah, c'est pas complètement faux. C'est vrai qu'on a tendance à... quand on voit une photo de plage, c'est les couleurs, c'est le c'est... Là, ça donne le côté vieillot. Il y a un côté vieillot qui va très bien avec aussi. Cuba, je trouve. C'est pour ça qu'elle fait jolie. On dirait quasiment une photo qui a été prise il y a 40-50 ans, c'est ce qui fait une partie de son charme. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Sinon, il y a le contraste foncé, clair, il y a les reflets du soleil mm-hmm. dans l'eau. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, François? Ben, moi, j'en pense que j'avirais de nuit. Moi, je la mettrais bleue comme si c'était la lune. Ah, OK. Ça serait super beau. C'est ça que je vois, moi, dans ta photo. OK. Ça serait, je ferais un day for night avec ce qu'on appelle en film. Je mettrais un filtre bleu devant, ça deviendrait la lune qui est claire, puis ça marcherait. Bon, après, c'est que je suis possible. D'accord, honnêtement, c'est vrai que ça marcherait. On voit tellement pas le soleil ou rien de ça que c'est... Ouais. C'est juste que c'est rare que tu vas à la plage de nuit, mais bon... Ouais, qu'il y a autant de monde à la plage de nuit. C'est plus là que ça marche moins, là, mais... Non, il y en a des parties sur la plage. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est juste que c'est plus rare. Hey, en Thaïlande, là, il y en a un par mois, ça s'appelle le Full Moon Party. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bon. C'est une espèce de rave, là, toute la nuit, puis c'est à la pleine lune. OK. Une fois par mois, puis c'est reconnu mondialement. Il y a plein de jeunes qui s'en vont là, des touristes qui s'en vont faire le gros party. Toute la nuit. Ouais. Ah ben, okay. Je savais pas. À Phuket. Ou à Phuket, ça dépend comment tu dis, mais c'est ça. D'accord. C'est une île. Oui. Non, mais je connaissais le nom, là, le nom de l'endroit, mais non, j'ai jamais visité. Mais tout ça pour dire que moi, tant et aussi longtemps que c'est l'artiste même qui fait la modification, me semble que c'est quand même un peu moins pire que quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi. Oui, mais regarde... Un peu. J'ai pas dit que c'était parfait. Mais je parle mettons, au National Geographic, je suis convaincu que c'est pas le photographe qui place sa photo dans le truc pour magazine. Non, mais c'est en ça même que temps, je veux dire. Oui, mais j'avais compris, mais je veux juste... Ce que je te dis, c'est que si tu l'altères en la recropant beaucoup ou quoi que ce soit, là, j'ai plus de misère un peu, mais en même temps, c'est sûr que dès que tu cèdes tes droits... Ben, tu cèdes tes droits. Fait que ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Là. Je veux dire, c'est la même chose dans un journal ou quoi que ce soit. Parlant de recadrer, renier et compagnie, j'ai découvert, en tant que passager de taxi pendant 4 ou 5 jours, les joies de prendre des photos à travers le cadrage d'une fenêtre de voiture. J'en ai pris plusieurs. Oui, il y en a une vraiment bonne d'ailleurs que j'ai vue sur ton Flickr. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Je me suis amusé à expérimenter avec ça. Puis si jamais vous vous promenez en voiture ou même en autobus à la limite, ben je sais moi aussi souvent. Mais si vous vous retrouvez avec votre appareil photo en tant que passager dans un véhicule, allez-y, expérimentez avec le cadrage de la fenêtre. Mm-hmm. De ne pas nécessairement sortir l'objectif par la fenêtre, mais plutôt de prendre la porte ou la fenêtre. Prenez la porte. Ah ouais. Ça fait drôle à dire de même, par exemple. Ah, ben mais essayez ça. Puis à la limite, avec une vraie fenêtre aussi, photographiée à l'extérieur, mais à partir de pour voir le cadre de fenêtre. Ouais. De votre des fois, ça maison, peut être intéressant. Puis à la limite, c'est juste un petit peu plus dur souvent parce que c'est les problèmes de... De contraste. Exactement. Mais oui, sauf que arrangez-vous pour que l'extérieur soit bien illuminé, puis à l'intérieur, ça sera noir ou très sombre, c'est pas grave. Même c'est mieux comme ça. Ben c'est juste qu'il faut que tu fasses tes affaires comme il faut. Il faut que ça soit idéalement très sombre pour que ça soit intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon Sony A7. Il y a une excellente plage dynamique pour travailler. Je suis vraiment impressionné à chaque fois. Puis, j'en reparlerai plus loin aussi parce que, je vais vous parler en fin d'épisode d'un photographe que j'ai croisé là-bas à Cuba. Là, on va continuer le petit bloc nouvelle. De mon côté, moi, j'ai Sigma qui confirme l'objectif 85 mm f1.4 Art, de la série Art, dont François est un aficionado. Oui, maintenant, oui. Oh, j'en doute pas, moi aussi. Oui, maintenant, oui, parce que mon objectif que j'adore, qui était le 18-35 à 1.8, fait vraiment un beau travail. Oui. Mm-hmm. Et c'est sûr que si je me dirige vers un 85, C'est une nouvelle c'est qui très intéressant, oui. Parce que c'est ça, ils ont discontinué l'ancien 85 1.4 qui était EXDG HSM. Et maintenant, trop ça long. Va être la série Art, beaucoup plus simple. Ouais. Mais probablement meilleur aussi. Et ouais, c'est confirmé que. Ben, en fait, la rumeur est confirmée. Je trouve ça étrange. Là. Mais il y aurait de très. Il n'y a pas très, de fumée sans feu. Ben, c'est ça. Il y a Photokina au mois de septembre, je pense. Puis ça s'enlignerait pour une annonce de la part de Sigma là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et parlant d'annonce, ou enfin, à tout le moins d'un brevet. Octroyé, officialisé. Canon a vu un brevet publié pour un petit zoom pour capteur Rogner, 28 à 560 mm, okay. F2.8 à 5.6. OK. Ce qui est, ben, c'est un objectif. C'est trois crans, mais quand même, c'est pas. C'est deux crans, parce que tu comptes pas F2.8 et A4 à 5.6. Ben pas... oui, parce que tu l'as 2.8, tu l'as 4, tu l'as 5.6. Fait que tu as trois crans. Oui, exactement. Ouais, okay. Mais c'est pas grave nécessairement parce que de toute façon, ce genre d'objectif-là, tu vas pas prendre des photos à l'intérieur avec ce genre d'objectif-là. Là. C'est non. Fait pour tu sais, du paysage, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Ben quoi là. Que, tu sais, 28 à 40, 50 mm, tu dois être à 2.8. Oui, c'est quand même. Il y a un potentiel intéressant malgré tout. Ouais. Par contre, il doit être assez massif, merci. On n'a pas vu encore de vraies photos. Il y a une photo, une espèce de prototype là, sur le site que vous pourrez aller voir dans les notes. Mais c'est mais un ouais, zoom. Je peux m'imaginer le poids de ça. Ça doit ouais, pas. Ça va être assez massif comme objectif, je dirais. C'est à suivre aussi. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais c'est le site Canon Rumors là, que généralement est quand même assez bien informé qui a sorti la nouvelle. François, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme nouvelle? Pour les amateurs de photographie d'objets célestes, il y a une start-up qui, sur Indiegogo qui lance la plus petite caméra astronomique au monde, selon eux. C'est la caméra qui s'appelle Tiny One, c'est le nom qu'ils ont donné. Pourquoi Tiny One? Bah, quand tu regardes, c'est vraiment pas gros. C'est la grosseur d'un micro 4 tiers à peu près. Ah, c'est plus petit que ça même. C'est minuscule cette affaire-là. Ben, ça rend pas justice. Là, ben, regarde, avec la main, c'est pas. C'est quasiment un cellulaire. Là. C'est pas beaucoup plus gros que ça. Bon, là. Dans ma tête, un micro 4 tiers, c'est à peu près ça. Ouais, t'as pas tort non plus. Là, ouais. Ben non, certain que j'ai pas tort. Bon. modeste en plus. Ben, donc, on la décrit comme la plus petite, la plus intelligente et la plus sociale des caméras pour faire de l'astronomie avec. Mm-hmm. Alors, moi, je trouve que le terme social, c'est utilisé à toutes les sauces. Ben, là, ouais. C'est vraiment du marketing. Là, ben, oui, ouais. C'est juste pour dire que tu vas être capable de partager facilement sur Facebook. Exactement. Donc, elle est munie d'une fonction Wi-Fi avec un bouton partager. C'est original. Ce que personne d'autre ne fait à ce jour. Bon, ben, à part les méthodes de marketing, elle semble intéressante. 4 mégapixels seulement. Mais c'est à la manière de Sony, par exemple, de la A7S, c'est-à-dire que moins de pixels, c'est pas une mauvaise idée parce qu'ils vont être capables de capter plus de lumière pour la même surface de capteur. Ben oui, parce que les photosites sont plus gros, donc captent plus de lumière. Exactement. C'est physique. Donc, c'est très intéressant pour prendre des photos d'objets dans le ciel de nuit, plus sensible, bonne idée. Du côté des spécifications, il n'en donne pas beaucoup. Il n'est pas encore en production, évidemment. Ce qu'ils disent, c'est un petit capteur d'un tiers de pouce, donc semblable aux appareils téléphoniques, je pense. Un tiers de pouce. Un tiers de pouce? Un petit peu plus gros, peut-être? Un petit peu plus gros. Ça enregistre en format DNG puis RAW. Excusez-moi, ça, c'est intéressant. Oui. Elle peut faire des time-lapse. Ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. Surtout pour pour l'astronomie. Oui, ouais, c'est là ça. Que, ouais. La connectique, c'est USB 2 et la batterie. Une capacité de 1700 mAh. Ça, c'est... En tout cas, si on se fie à un téléphone aujourd'hui, 1700 mAh, quand tu as le Wi-Fi activé, ça ne c'est pas grand-chose. Tant que ça, mais il faudrait voir quelle utilisation. Ah, mais en même temps, je veux dire, tu n'as pas un processeur complexe probablement comme le téléphone. Tu n'as pas le LTE. Fait que non, mais ton écran est constamment allumé, contrairement à un téléphone. Probablement pas quand tu prends des photos. J'imagine que tu dois être capable de l'éteindre logiquement parce que ça te donne pas grand-chose en fait quand tu prends un time-lapse. Surtout un time-lapse. En effet. Ouais. Les mais photos bon. Qu'ils donnent en exemple sont impressionnantes, là, Christian. Ouais, oui, oui, c'est ben, j'ai de la misère à croire que c'est avec ce petit appareil-là. Là, exactement. Sincèrement, là. C'est assez pour se demander comment il arrive là, avec ça. Bon, ça reste à voir quand ça va sortir, si on a la chance d'avoir entre les mains. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourra vous en parler plus. La campagne de financement, ça se termine le 7 juillet. Ils sont, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient rendus à... 295%. Bon, voilà. Donc, c'est bien. Le but, c'était 100 000 $ puis ouais. Ils sont maintenant à presque à 300 000 $. 295 000. Oui. Logiquement. C'est, donc, c'est... Moi, ce qui m'intriguait, c'est de savoir c'est quoi l'objectif qui venait avec ça. Il vient un objectif grand angle et un objectif téléphoto, je pense, selon les options que tu prends sur... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, tu peux même mettre... Donc, il y a des adaptateurs aussi, Canon les... et Nikon. Intéressant. Qui sont, oui, il y a beaucoup de gens aussi qui demandent, y a-t-il des adaptateurs pour micro 4 tiers, mm-hmm. tout ça. Bon, pour l'instant, non, c'est pas dans leur plan, mais ils disent, ils répondent toujours, on prend note, blablabla. Bla, bla. Moi, je trouve qu'il y a un gros buzz là-dessus pour quelque chose qui est... Ben écoute, ça serait le fun si c'est vraiment tel qu'ils disent, mais d'après moi, il y a beaucoup de bruit dans leurs photos. Tu sais, si on pouvait mm-hmm. avoir des photos originales, on pourrait vraiment regarder ça. Ouais. Sur le site, c'est pas des grosses photos. Là, ben c'est non, ça, ben, c'est facile. Il y a déjà du bruit pas mal, là. On va être franc. Là, c'est bon, pas... C'est ça. Donc, c'est pour l'amateur, pour l'astronome amateur, parce que l'astronome professionnel ou très, très habitué ou très équipé, lui, bon, il y a ce qu'il faut là, pour faire la mm-hmm. même chose. Mais tu sais, mm-hmm. voilà. je regarde, là, ben il y a toujours, tu sais, quand... Indiegogo ou ben non Kickstarter, t'as des kits, des early bird qui appellent ceux qui arrivent puis que t'achètes. Là, le 1, c'est une caméra avec un kit, un objectif 4 mm 1.2, l'équivalent de 28 mm. Mm-hmm. Puis c'est 380 américains. Je sais pas, je me semble que c'est beaucoup d'argent quand même ben, pour une petite pour... affaire de même. Si elle fait ce qu'ils disent, c'est bien. Là. Ouais, ça va donner si la possibilité à plein de gens qui... connaissent pas ce milieu-là, qui ne veulent pas s'équiper pour 2500, 3000 $ ouais, parce que et plus. Un télescope ou un truc qui suit les étoiles, oh là, non, ça, ça coûte cher. Ouais, clairement, là, c'est sûr. Ouais. Je sais pas, je serais curieux d'essayer ça, moi, avec, de mettre la main là-dessus, mais... Décembre 2016. À suivre. À suivre. Messieurs, ça fait longtemps que l'idée... rumine dans ma tête que je pense à faire ça. Et j'en ai peut-être déjà parlé dans un épisode passé. Ben oui, t'es déjà allé à Cuba? Non, non. Une autre idée. Ah, j'ai toujours plein d'idées dans ma tête, moi. Mm-hmm. Et là, j'ai l'idée d'officialiser ça. Pas le retour des concours de photos? Non, ah, non, ah. non. Chut! Non, que diriez-vous qu'on fasse un photo walk, une marche où on va prendre des photos en groupe? Une marche photographique? Ouais. Ben, ouais. Certainement. Je refuse catégoriquement. Ben oui, c'est une bonne idée. Ah. Tu vois, Christian change vite d'idée quand on pointe un fusil sur sa tempe. Hein, non? Vous êtes bien violent. Ouais, je vais oublier ça. Non, mais sérieusement, on va mettre les détails sur le site. Pas tout de suite, évidemment. Là. On va juste finaliser quelques détails. Mais j'annonce que dans le courant du mois d'août ou au pire début septembre, mais je dirais plus au mois d'août, on va organiser une marche photo à Montréal. Donc, avis aux auditeurs québécois, surtout montréalais, mais québécois. Ou aux Français de passage. Ou aux Français de passage, c'est vrai. Il y a des Français qui seront de passage au mois d'août. J'en connais au moins un. Je dirais même aux francophones de passage. Oui, absolument. Qui nous tout à fait. On les oublie des fois, les francophones, mais on vous apprécie quand même. On a des auditeurs en Suisse, on me l'a confirmé sur Facebook. Oui, alors bonjour. Ouais. Puis, oui, en tout cas, tous ceux qui seront dans le coin de Montréal au mois d'août, Suivez, allez faire un tour sur le site. On va en reparler à chaque épisode juste pour essayer de confirmer de donner un peu d'ici plus là. D'informations. Très cool, très mais cool. Ouais, ce qu'on va faire pour cette marche-là, ce photowalk-là, c'est que chaque personne va se choisir une thématique, un thème pour sa... Ben, je dis la journée, mais ça ne durera pas 4 heures de temps. Là. Mais on va peut-être marcher pendant quoi? 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Et on va faire de la photo, puis bon, quelqu'un peut choisir la couleur rouge, quelqu'un peut choisir... moi, j'avais déjà fait une marche photo avec les gens de Blurb, j'en ai parlé il y a quelques années, et j'avais choisi des chiffres et des lettres, donc tout ce qui était numéro de parcomètre, des adresses, des trucs comme ça, des écriteaux, ben, moi, je photographiais tout ça, puis ça peut être n'importe quoi. Ça en peut autant être... que je choisissais pas quelque chose de vieux dans le vieux port, là, donc ça va être trop facile, il n'y a rien que ça. Mais on pourrait peut-être sortir des thèmes. On pourra suggérer des thèmes ou on pourra... oui, oui. Puis après ça, ben, ce que j'aimerais faire, on pourra voir à ce moment-là, mais c'est d'essayer de se réunir soit dans un café ou un restaurant avec un petit projecteur pour montrer une ou deux photos de chaque participant pour donner justement un aperçu de ce que les gens auront pris comme photo. Donc, on pourrait essayer d'avoir justement du transfert soit par carte SD directement ou par Wi-Fi, peu importe. Mais là, c'est ça. On va finaler tous ces petits détails-là. Puis, on vous annonce tout ça directement sur le site objectifnumérique.com. Ouais. Et parlant de projecteur, moi, j'ai testé un c'est projecteur. C'est incroyable les liens que tu arrives à faire, Stéphane, vraiment. J'ai testé un projecteur Epson HC1440 ou 1440. Qu'est-ce que ça vient faire avec la photo? Ben moi, quand j'étais jeune, et peut-être vous aussi, messieurs, surtout François, qui est plus vieux que moi, quand on était petit... Soyez polis. Soyez polis, jeune homme. Pardonnez-moi, monsieur Blanchette. Au moins, c'est pas Pépère, Blanchette. Quand j'étais petit, mon père, lui, faisait beaucoup de photos avec des diapositives. Au lieu d'avoir des négatifs, il y avait des positifs. Malheureusement, oui. Et pourquoi malheureusement? Mais parce que mes parents, toutes les photos de jeunesse, c'est toutes sur des diapositives. Mes tu photos les as pas de scannées? Jeunesse. Moi, je les ai numérisées. Tu te rappelles pas sur Facebook? J'en je ai m'en numérisé rappelle très bien, mais moi, j'ai pas de temps pour faire ça. Okay. Fait que malheureusement, non. Bon, mais moi, je me souviens plus qui m'avait prêté un numériseur. Un des deux grands. Et j'avais pu numériser mes 1800 diapositives. J'en ai encore quelques-unes que ma mère en avait acheté. Ma mère avait acheté quelque chose pour le faire. Puis c'est parce que cette année, c'est un peu long, il paraît. 1800, j'avoue que je me rappelle, t'en avais parlé. J'ai été vraiment impressionné. Fait ça, je pense en 3 semaines, quelque chose comme ça. Là, à la fin. Écœuré un peu. Oui, c'est ça. J'en avais jusque-là, mais c'est ça. Au moins, je l'ai fait. Puis j'en envoyais à mes sœurs, à mes cousins, cousines. Tout le monde était vraiment content de recevoir ces photos-là qu'ils n'avaient pas vues depuis probablement le moment où elles avaient été prises ou à peu près. Ouais. Donc oui, il y a eu beaucoup de... Les années 50, là. Non, je n'étais pas là. Quoique c'est mon père qui les a prises, mais non, j'en avais de l'Expo 67. Ben non, je le sais. C'était pour essayer de te vieillir un peu. C'était pas fin. Voilà. Donc là, ce qui est avantageux, c'est qu'avec un projecteur comme ça, ben, on peut mettre une carte SD ou carrément brancher ça sur un ordinateur, puis envoyer ses photos sur un mur, puis regarder, faire un bon vieux diaporama comme à l'époque. En effet. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'ai allumé le projecteur, puis tout ça. Ben, c'est plus exactement comme avant, on n'entend plus le gros ventilateur et compagnie. Non, je sais bien. Mais celui-là, ce que j'ai aimé, c'est qu'il pouvait projeter en angle. Tu n'as pas besoin de le placer droit devant le mur. Tu peux le placer comme à 20 degrés ou je ne me souviens pas du degré maximum, là, mais tu peux jouer avec l'angle et il va recadrer l'image correctement. Mais ça, je suis désolé de te dire ça. Oui, il y en a plusieurs. Non, je sais que ce n'est pas nouveau, mais moi, c'est le premier projecteur que je testais qui faisait ça. Ça marche ça en hauteur aussi ou c'est juste de côté? Oui, ça marche les deux. C'est vraiment intéressant. Puis, ça fait longtemps moi, que je désire faire... tu te prends une vieille console de jeu avec Mario Kart ou quelque chose comme ça, puis tu te prends un gros mur comme chez mes beaux-parents, puis tu projettes ça. Mais le problème, c'est que l'entrée n'est pas très grande. Fait que ça me prendrait un angle assez important. Fait que probablement qu'avec quelque chose ça pourra probablement marcher. Là, par contre, je ne l'ai pas vraiment testé avec une console de jeu, mais ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'il y avait peut-être un petit lag, un petit délai. Ah, c'est clair, mais c'est pas... Je ne suis pas convaincu qu'il y a un projecteur de cette gamme de prix-là qu'on pourrait fournir. Là. On s'entend que si on prend aussi, mettons, un écran d'ordinateur puis qu'on paye un certain montant, ben, il n'y en a pas un qui va être excessivement meilleur que les autres. Là. Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai bien aimé parce qu'il est quand même pas trop gros ni trop lourd. Puis, il vient avec une télécommande, un paquet d'options que tu peux régler là-dessus. Il y a beaucoup de boutons. Je vais mettre des photos. Directement, je me Puis t'as le recadrage, tu as plein d'affaires directement sur le projecteur et sur la télécommande. Tu peux jouer avec l'image, évidemment. La luminosité, on parle de 4400 lumens. Puis là, je pourrais pas dire, je suis pas un expert en lumens, mais je sais pas si c'est excessivement bon ou dans la norme ou whatever. Mais moi, je pourrais pas dire non plus. Non. J'ai déjà suivi ça beaucoup il y a une dizaine d'années. J'ai fait un article pour Best Buy l'année passée. Là-dessus, il me semble que c'est moyen. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est pas mauvais. Je peux dire que. Il me semble que c'est 10 000. Je l'ai testé dans ma salle à manger. Puis, j'ai des rideaux rouges. Puis, quand je les laisse fermer, ben, la lumière devient rouge. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et quand j'ai ouvert mes rideaux en plein jour, il faisait évidemment plus clair dans la pièce, mais je voyais très bien quand même l'image sur mon mur, sur mon mur blanc. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que c'est quand même convenable. Si vous vous en servez dans un sous-sol ou une pièce sombre, c'est clair que ça fonctionne. Mais si vous vous en servez dans une pièce plus lumineuse, vous allez très bien voir l'image quand même. Là, pour l'avoir testé, je le confirme. Mm-hmm. C'est un projecteur... tu disais combien, 4000? 4400 lumens. Non, c'est très bon. C'est très bon. Oui, hein? C'est très bon. Ouais. C'est pas 10 000, c'est pas mal au-dessus de la moyenne c'est même. Ça. C'est bon. Bon. Évidemment, on ne parle pas d'un petit projecteur à 300-400 $, là. J'imagine. On parle d'un projecteur autour de 1600-1700 $. Ouais, okay, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Canadien, je pense. En tout cas, le prix serait à reconfirmer, là, parce qu'avec le taux de change, ces jours-ci... Oui, ça change tout, hein? On est passé de 40% là, à autour de 26-28 dans ce coin-là. Ça s'améliore, le dollar canadien, mm-hmm. mais là, c'est dur avec les prix. Si quelqu'un l'achète, achète quelque chose aux États-Unis ou comme... c'est qui? C'est Sonos, les enceintes Sonos ouais. qui ont ajusté leur prix au mois d'avril à la hausse, mm-hmm. alors que là, le prix, le taux de change est à la baisse. Plus normal. En tout cas, fait que vous verrez. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un projecteur, justement, qui a quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Il ne fait pas de 3D, par contre. J'en ai pas vu encore. Ouais, du 3D. C'est ça. Ben, ça prendrait c'était supposé deux... être la nouvelle révolution. Ouais, mais... c'est ça. Non, on s'entend que... Ben, tu sais, au cinéma, ça peut être intéressant parce que, bon, l'écran c'est est mieux immense. Que c'était. C'est mieux que c'était, on va être franc, mais... Mais, tu sais, à la maison, là, du 3D... Moi, j'ai pas d'intérêt. Non, mais c'est... le VR va s'en occuper, là. Ouais. Le 3D, ça oui. va être ridicule. Ben, c'est ça là. Qui va être remplacé. Ouais. Le 3D va être remplacé par la réalité virtuelle... réalité augmentée aussi, en quelque ouais. sorte, mais réalité virtuelle qui commence à vraiment prendre son envol. Le seul problème, c'est la même chose que toi avec le 3D puis la réalité virtuelle. Ça prend l'appareil. Oui, ça prend les grosses lunettes. C'est, ouais, ouais. Ouais, mais c'est pire avec le VR parce oui. qu'il n'y a pas grand monde qui ont les moyens d'avoir 3-4 cases de VR pour tout le monde qui non. sont dans un cinéma ainsi maison. Que l'ordinateur pour runner tout ça. Exact. Ça dépend. Moi, j'ai essayé. Mais... Je vais en parler au prochain épisode. C'est comme juste une parenthèse rapide. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu le loup-garou que tu joues puis c'est un jeu de table. Oui, oui, oui, bon, je connais. Ils ont fait une version VR de ah, ça. Oui. C'est, l'idée est très cool, mais êtes-vous conscient de ce que ça demande pour être capable de jouer ben oui, avec ça? C'est un petit jeu où tu peux te faire des cartes à la main exact. Qui ne coûtent rien, mais là, ça va coûter que 4, 5, 6, 7, 4 casques VR. C'est particulier, mettons ouais. que... Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, là, j'ai parlé du prix. C'est un projecteur 1080p, donc ça, pour ceux qui veulent justement jouer à des jeux vidéo, ouais. des trucs comme ça, ou même regarder des photos. Moi, souvent, je regarde mes photos sur un téléviseur. Ouais. Ben, c'est 1080p, là, à moins que vous ayez un téléviseur 4K. Là, mais la plupart des téléviseurs, super beau résultat, c'est, honnêtement, c'est très bon. Pas, Donc, oui, parce que souvent, veux pas, tu vas moins voir les pixels d'une photo vu qu'à part de 16 ou 20 ou 24 ouais, mégapixels. Non seulement ça, mais t'es pas collé à... sur l'écran. Non, c'est pas, tu vois pas les défauts, à moins que tu commences à les voir vraiment. Là, mais... Non, c'est ça. Puis, c'est pas mal ça. À part de ça, il y a... En tout cas, moi, je considère que c'est quand même un projecteur intéressant, mais ça va dépendre de vos besoins parce mmh. que moi, mon setup actuel ne me permet pas d'avoir un projecteur. Là. Non, mais sinon, toi, tu parlais que peut-être tu avais un endroit où tu avais besoin d'un angle différent. Oui, j'irais pas utile, ça en là. Avoir un projecteur. C'est juste. C'est le genre d'affaire qui est tellement limité. D'utilité pour moi, j'en aurais besoin de temps en temps faire des petites affaires d'un bar puis de l'autre, fait que je vois pas l'achat pour ouais, ça. Non, mais ça mais bon, il y en a beaucoup qui ont, mettons, comme un grand mur puis ils décident de mettre leur ouais. projecteur. Puis ça, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai pas l'espace pour ça vraiment chez nous. Fait. C'est ça, ouais, ça prend... Ben, quoi que, moi, quand je le projetais dans ma salle à manger, mm-hmm. J'étais à peu près à un mètre du mur puis ça me donnait une image correcte. Oh, je veux ouais. dire, si... Je sais pas, moi, quelqu'un aurait de la place pour installer un projecteur sur un meuble quelconque, mais n'a pas d'espace pour installer un téléviseur sur son mur, ben, ça peut toujours servir ouais, aussi. Ouais, là. C'est clair. Mais sinon, ça se transporte quand même mieux qu'un téléviseur. Vaguement, oui. Ouais, en tout cas, il peut avoir plein d'utilités. Je vais mettre quelques photos dans les notes. C'est un bel appareil. Puis vous allez voir, j'ai fait exprès de prendre une photo où on voit que le projecteur est en angle versus l'image au mur. Mm-hmm. C'était pas évident ça à faire comme photo, je vais dire. Ouais, non, ça ne doit pas, non. Mais non, c'était intéressant comme petit défi. C'était pas un gros défi. Non, mais ça a dû juste... Ouais, c'est ça, vous réfléchir à comment tu vas te placer pour le... Pour que ça rentre bien dans l'image, que le projecteur n'est pas droit versus ton image. Voilà. Mm-hmm. C'est... Mais tu as été très adroit pour la faire. C'est ça. Ah. Oh ouais, sur cette belle note, on va passer aux suggestions de la semaine et je ne suggérerai pas un jeu de mots de Christian. Oh, c'est pas correct. Vas-y donc, Christian, toi. J'ai vu quelque chose, bon, on parle souvent des GoPros, des choses. On a vu des GoPros, bon, que ce soit sur, je me rappelle plus de son nom, celui qui est allé dans l'espace... sur Chris Hadfield, non. Non, Eisenbauer, whatever, celui qui a fait le parachute, en tout cas. Ah oui, c'est Kittinger. Ouais, mais ça, c'est le premier. Ouais. Puis le dernier, c'est celui qui a réédité l'exploit, c'est, ouais. En tout cas, mais lui. Mais tu sais... Baumgartner. Baumgartner, oui. Bon, bref, on voit des GoPros sur plein de choses, mais j'en ai vu une, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Ils en ont mis une sur un léopard. Ah. Puis... Je sais pas, là, mais moi, je n'embarquerais pas assez le dos. Ben, je sais qu'on n'est pas capable, mais c'est à la vitesse que ça court, là, c'est impressionnant. Le paysage défile. Oui, c'est ça donne le tournis, disons. Là, mais c'est impressionnant. Tu te dis, c'est un animal, là. Ouais. C'est ça qui est hot, là. Je veux dire, ça court vite en tabarnouche. Puis quand ils font tourner le coin, là, c'est... Mettons que c'est contrôlé, mais à peine. C'est quelque chose. Revoir ça, c'est impressionnant. OK. Toi, François, de ton côté? Est-ce que vous vous rappelez du bateau de croisière qui s'est échoué le long de la côte italienne? Oui. Le Costa Concordia. Mm-hmm. Ben, le bateau est maintenant rendu à Gênes, en Italie, où on s'affaire à le démanteler pour en recycler les matériaux. Il y a quelques photos de l'intérieur qui ont été prises, évidemment, avant qu'on commence à trop le démanteler, parce que c'est, il a comme passé 2 ans dans l'eau, là, sur le côté, avant qu'il renfloue, tu sais. Fait que il y a des photos où tu regardes ça, tu te dis « My God, mais on dirait vraiment un film d'horreur. » Ça me fait penser à Titanic. Moi. Oui, c'est ça. Il y a des scènes que tu te dis « OK, ça devait être la panique là-dedans. » Moi, tu sais, c'est le genre d'endroit, encore une fois, que maudit que j'aimerais ça aller prendre des photos de ça. Parce que c'est triste, hein, comment qu'on est attiré par les désastres. Ben, en fait, c'est que c'est aussi les zones interdites. Des endroits que peu de gens peuvent aller parce que ça prend une autorisation ou un petit groupe qui est créé de journalistes pour dire « OK, aujourd'hui, c'est la journée photo du Costa Concordia. On va vous superviser, mais allez prendre des photos pour vos journaux respectifs. » Mais t'as raison. Tout ce qui est interdit, là, les asiles, un vieil asile psychiatrique, là, maudit, je rêverais d'aller là-dedans. Ça doit être épeurant à l'os, là, tu sais, mais j'irais. Avoir l'occasion, c'est sûr que j'irais. C'est une occasion de faire de la maudite belle photo, très graphique, puis sale, tu sais. Oui. Fait que, avec le feeling en plus là-dedans. Là, mais ce qui est particulier, c'est que ça a l'air vieux. Dans le sens que, tu sais, le parallèle avec le Titanic est intéressant, comme je te dis, parce que ça a vraiment l'air de ça. T'sais, tu dirais, il n'y a pas d'ordinateur. Les photos qui ont été prises, tu vois pas un ordinateur, tu vois pas rien c'est nécessairement de la vieille très déco. Moderne. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ce genre de bateau-là aussi, il y a bien des endroits que les salles. Principale ou les salles communes comme la salle de bal, ça reste un peu classique aussi. Oh oui, c'est sûr. Mais il y a une photo du pont de la salle des commandes, si tu veux, où là tu vois qu'il y a, okay, y a de la technologie. Là, ça a vraiment été magané, bien raide. Là, fait que voilà. C'est très cool. Parfait, merci. Puis moi, de mon côté, je vous parle d'un photographe que vous ne connaissez probablement pas. Je vous parle de Mickey Ross. Non, je ne connais pas. C'est un Néo-Zélandais. Que j'ai croisé à Cuba. Ben oui, par le plus grand des hasards, j'ai pris le petit déjeuner avec un Néo-Zélandais et qui s'est avéré être un photographe. Puis on s'est retrouvé, c'était la journée où on allait à la plage. Puis je le vois sortir un appareil photo. Puis là, je vois que c'est un Nikon, mais je ne reconnais pas le modèle du tout. Puis c'est le dernier modèle à pellicule que Nikon a sorti, a lancé, je crois, en 2004. Puis... Lui, il photographie beaucoup avec cet appareil-là. Il a déjà essayé Fujifilm X100, je pense, ou X-T1. Il y a des trucs qui l'agaçaient, tout ça. Puis là, il est resté comme à la pellicule. Et il avait avec lui aussi un Mamiya 6 que j'ai pu tenir dans mes mains. et que j'ai pu essayer. Bon, j'ai pas pris de photo parce que c'était pellicule. Ouais, là, ben, je dire, j'aurais pas pu voir le résultat. Mais c'est un appareil qui a ce qu'on appelle un viewfinder, donc un viseur. C'est une autre d'habitude qui te demande de traduire. Non, mais c'est parce que je cherchais un autre mot, parce que c'est pas un viseur comme dans les appareils habituels, dans les réflexes habituels. C'est un viseur qui ne voit pas par un miroir, par l'objectif. C'est un viseur à part, externe. Ouais. Ben, je dirais une loupe à ce moment-là. Ou probablement une loupe, mais où tu as une espèce de rectangle pour cadrer ta photo. Ouais. On peut appeler ça un viseur. C'est un viseur. C'est pas obligé de passer par l'objectif. Non, je sais, mais... Un collimateur, tu sais, je veux dire, c'est dans le fond, c'est un truc qui t'aide à cadrer. C'est juste que tu vois l'objectif sur le côté quand tu regardes dans ce viseur-là. C'est vraiment déroutant au début parce que tu dois vraiment te concentrer sur le rectangle que tu vois un petit peu probablement gravé à même le verre du viseur. Mm-hmm, mm-hmm. Puis c'est ça. Là, il disait qu'il avait pris, je pense que c'est une vingtaine de pellicules, je pense que c'est des 12 poses qu'il y avait. Il a pris une vingtaine, puis il n'était même pas sûr si ça allait fonctionner, son affaire. Okay. C'est ça qui est frustrant. C'est intéressant pour la technique et tout le kit, mais ce côté-là, il reste encore frustrant. Non, mais le Nikon, il n'y avait pas trop de problèmes. Non, mais... Mais quoi qu'il disait, les fameuses machines à rayon X dans les aéroports, il doit pas aimer ça. Non, il n'aime vraiment pas ça. Mais c'est ça, essentiellement, c'est un photographe de mariage, mais qui fait aussi d'autres choses. Et puis, pour être allé voir ses deux sites, son site photo et son site de photographie de mariage, il y a du talent. Mm-hmm. Et il y a son lieu de naissance ou de résidence qui l'aide beaucoup aussi, la Nouvelle-Zélande. C'est un fichu beau pays. Mm-hmm, mm-hmm. Mais ce que je trouve cool, ça fait des photos de mariage qu'on ne voit pas souvent. Exact. Puis là, on combine ça, Nouvelle-Zélande, avec de la pellicule, ce qu'on voit rarement aujourd'hui, qui a un rendu complètement différent du numérique. Mm-hmm. Et évidemment, il ajoute son style à lui. Lui, il m'a dit qu'il développait lui-même ses photos noir et blanc, mais celles en couleur, il les envoie dans un labo. Fait qu'il y a vraiment... il joue vraiment avec les deux. Il aime faire du noir et blanc parce qu'il joue lui-même avec le développement. Mais la couleur, il ne touche pas. Ouais. Mais vous irez voir, je vais mettre ces deux sites dans les notes d'épisode. Là, puis, c'est cool de faire ces rencontres-là. T'sais. Oui, mais oui, c'est le fun au bout. Tu trouves un gars comme ça, puis par hasard, on a les mêmes intérêts. Je le vois dans tes mains. Là. On a les mêmes intérêts. Exact. Mm. Fait que c'est très cool. Ouais. Puis tu apprends un peu de son histoire à lui. Puis... Absolument. Ouais, quand tu n'es pas pressé, là, c'est vraiment le fun. Oui. Ah non, c'est ça. Tu vois, à la plage, il a pris peut-être 4 ou 5 photos seulement. Moi, je pense que j'en ai pris 3. Mais il savait même pas si ces photos allaient donner quelque chose. Là. Ah ouais. C'est... ouais. Ben écoute, je sais pas si c'est sur son site web, c'est avec sa mamia, mais il a pas l'air à se tromper trop souvent. Non. Là. Non. Hein? Mais c'est comme, meilleur. Comme tu dis, c'est pas un rendu que tu peux avoir avec un appareil photo. Il y a un petit côté sale, un petit côté granuleux que tu peux pas vraiment avoir avec un... Non, c'est intéressant. Le rendu est vraiment chouette, là, vraiment beau. Puis, c'est ça. Ben, d'ailleurs, dans le taxi, en revenant de la plage, taxi qui est tombé en panne parce que c'était le fameux véhicule de 1947, il y avait le chauffeur de taxi avait arrangé un truc pour se créer une transmission automatique. Puis là, il y a eu un problème avec ça. Oh boy! Mais pendant qu'on était dans le taxi, avec lui, j'ai pris une photo de lui qui avait un air pensif un peu, tout ça. Puis là, je lui ai envoyé, je vais la mettre dans les notes. Mais c'est aussi, si vous allez dans l'album Flickr, dans ce taxi-là que j'ai pris, où on voit juste comme l'avant-bras de quelqu'un qui tient la portière de l'auto avec de l'herbe en arrière-plan, là, qui fait vraiment... L'avant-bras se découpe vraiment là, de l'herbe. Et j'ai pris aussi la jeune femme qui regarde dans le rétroviseur, qui a l'air pensif aussi, qu'on voit à travers le rétroviseur. Celle dans le tunnel, je pense que c'est pas mal ça. En tout cas, j'en ai 3 ou 4 dans mon album Flickr là, à travers une portière de taxi. Ben, c'est ce taxi-là que j'étais avec Mickey Ross. C'est le retour de notre découverte. Petite excursion à la plage. Oui. Et sur ça, ça conclut ce 92e épisode. Merci beaucoup, François. Et merci. Merci, Christian. Merci. Merci, chers auditeurs. Si vous voulez nous rejoindre, nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions. D'ailleurs, on va faire sûrement un spécial pour répondre à vos questions parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais on reçoit souvent des suggestions aussi, puis ça, on apprécie beaucoup. On en glisse ici et là. Et vous pouvez nous envoyer ça à podcast@objectifnumérique.com. Sinon, vous pouvez nous faire parvenir ça par Twitter à Haute Numérique. Il y en a beaucoup qui le font, c'est bien apprécié. Sur Facebook aussi, Objectif Numérique. Google Plus, même chose. Objectif Numérique. Et la fameuse communauté photographe amateur qui doit approcher des. Bon, qui a au moins 13 500 membres. Peut-être 14 000, c'est. Il n'y en a pas qui quittent, des fois. Ça fait juste augmenter. C'est comme la population mondiale, ça fait juste augmenter. D'accord. Bon, je suis bouché. S'il y en a, j'avais quelqu'un qui s'était manifesté pour être modérateur pour la communauté, qui m'a aidé pendant quelques temps et qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, a dû se désister. S'il y en a qui veulent nous donner un petit coup de main à gérer ça, juste trier les photos, il y en a qui se font signaler comme étant du spam, là, du pourriel, mais que ce sont des vraies photos légitimes, juste les accepter dans le groupe. C'est vraiment pas compliqué. On regarde des photos, on clique « Accepter, refuser » et c'est la modération, finalement, d'image. Ça serait bien apprécié. Envoyez-moi un email à podcast@objectifnumérique.com. Au prochain épisode, on va parler... C'est-tu vrai, ça? D'un zébrane? On va parler d'un zébrane. Un zébrane. Ouais. Pour rester dans les termes qu'on entend moins souvent, on va parler de Hasselblad. Ouais, c'est moins fréquent, ça aussi. Ouais. On va parler de Google Maps, qui a subi un petit lifting, une petite mise à jour au niveau de la résolution de ses images. Et je vais vous donner des techniques photo à essayer cet été. Bon, il va rester encore du temps, hein, dans 2 semaines. Oui. Il va rester encore 2 mois. On est juste de commencer l'été. On est juste de commencer. Il n'est jamais trop tard de toute façon pour bien faire. D'ailleurs, en lien avec mes photos de Cuba, j'ai publié un texte qui donne 5 conseils pour faire de la photo de rue sur Branchez-vous. Donc, branchez-vous.com, vous irez voir ça. Je vais mettre aussi le lien dans les notes d'épisode, mais j'ai mis quelques petites photos de Cuba dans mon texte, qui est paru hier, finalement. Ah. Alors, d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!